بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد on commence donc notre cours aujourd'hui, c'est le cours 96 dans l'explication du Kitab al-Tawhid avec le charh du Cheikh Mohammed, le charh du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan al-Sheikh et les commentaires du Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala, au sujet du charh de Qurrat Uyun al-Muwahidin. On arrive à un nouveau chapitre, aujourd'hui on commence le chapitre 10, qui s'intitule « Ma ja'a babun ma ja'a fi dhabhi li ghayrillah ». Donc, c'est-à-dire le chapitre au sujet de ce qui a été rapporté du fait de, yani, du fait de sacrifier pour autre que Allah, un animal ou quelque chose. Et donc, le point c'est de clarifier que le fait de faire un sacrifice pour autre que Allah Azza wa Jal, c'est du shirk. Puisque al-dhabh, c'est une adoration, c'est une ibada, et toutes les adorations doivent être exclusives à Allah seul. Et que si on offre une adoration quelconque à autre que Allah, eh bien ça représente une forme de shirk dans l'adoration. Hein? Et que ça c'est le plus grave de tous les péchés. Donc, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a dit à ce sujet, donc dans ce chapitre, il a rapporté deux versets et deux hadiths dans ce chapitre. Donc le premier verset, ben, c'est pas un seul verset, c'est plusieurs versets. Il a dit, c'est le verset 162 et 163 dans Surat Al-An'am, dans lesquels Allah Azza wa Jal dit وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. D'accord, donc ça c'est le verset 162 et 163 dans Surat Al-An'am. Et dans ces versets, Allah Azza wa Jal, il dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de dire aux gens, dit, en vérité, ma salat, yani mon sacrifice, nusuk, c'est le sacrifice, et ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Et le verset 163, à lui, il n'y a aucun partenaire, nul partenaire, nul associé à lui. Et voilà ce qu'il m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre à Allah. Wa ana awwalul muslimin. Donc ça c'est le premier verset que le Cheikh a mentionné. Le deuxième verset, c'est dans Surat Al-Kawthar, verset 2. Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرُ. Hein, donc, fais la salat pour ton Seigneur et égorge et sacrifie. Hein? Donc ça, c'est un petit verset qui est court, mais dans lequel il y a l'ordre de sacrifier, de faire d'égorger un animal ou de sacrifier un animal pour Allah. Donc ça prouve que c'est une adoration. Et ensuite, le premier hadith qu'il a cité, c'est un hadith rapporté selon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu par l'imam Muslim dans son sahih. Et il dit عن علي radiyallahu anhu قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم. Donc il y a quatre phrases ici. Ali radiyallahu anhu, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a mentionné quatre phrases. Que Allah maudisse celui, hein, ou bien plutôt Allah maudit celui qui égorge pour autre que Allah. Allah maudit celui qui maudit ses parents. Allah maudit celui qui protège un innovateur ou un criminel. Et Allah maudit celui qui change les indications, hein, des délimitations des terrains. Et c'est rapporté par Muslim. Et ensuite, il rapporte un autre hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad, yani rahimahullah, selon Tariq ibn Shihab, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة رجل دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز لأحد أو لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. فقالوا لأحدهما قرب. قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا له قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب. قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. Donc ça c'est un hadith, يعني le hadith, يعني d'après ce que je me souviens, on avait expliqué dans les autres shurouh qu'on avait fait de Kitab al-Tawhid. Le hadith en lui-même, il n'est pas authentique. Sauf que le récit en lui-même, hein, il indique quelque chose, il établit quelque chose qui est vrai. Et c'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui est attribué ici dans ce hadith qu'il aurait dit qu'un homme est rentré au paradis à cause d'une mouche et un autre est entré en enfer à cause d'une mouche. Et les sahabes auraient posé la question à ce moment-là au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment au messager d'Allah? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit à ce moment, deux hommes sont passés, hein, par un peuple, hein, ou dans un peuple. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ne laissaient personne ne pouvait traverser ou personne ne pouvait passer avant d'avoir fait un sacrifice à leur idole. Alors, lorsque l'un d'entre eux a voulu passer, ils lui ont dit, fais un sacrifice, fais une offrande ou un sacrifice à notre idole. Alors, celui-là a dit, je n'ai rien à offrir en sacrifice. Alors, ils ont dit, donne, yani, tu peux sacrifier n'importe quoi, même une mouche. Alors, il a sacrifié une mouche. Et ils l'ont laissé passer. Et il est entré en enfer. Parce qu'il a fait le shirk. Et l'autre, ils lui ont dit, fais un sacrifice. Il a dit, je ne pourrai jamais sacrifier quoi que ce soit à autre que Allah. Alors ils lui ont coupé la tête. Et il est entré au paradis à cause de ça. Donc ça c'est le récit en question. Et on va lire plus tard l'explication de ce récit-là et les leçons qu'on peut en tirer. Hein, parce que même si le hadith n'est pas authentique, mais l'histoire, yani, elle est très bénéfique. Il y a des points qui sont véridiques dedans, des choses bénéfiques et qui sont vraies et justement dont on peut tirer beaucoup de leçons. Yani pour comprendre justement le tawhid. Naam, donc pour continuer, on va commencer donc l'explication du chapitre. L'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit donc babun ma jaa fi dhabh li ghayrillah. Wa qawluhu babun ma jaa fi dhabh li ghayrillah. Donc le chapitre au sujet de ce qui a été rapporté ou ce qui a été mentionné dans le Coran et dans la Sunna au sujet de faire un sacrifice pour autre que Allah et le fait que ça c'est du shirk, le Cheikh Al-Fawzan il explique. Il dit: هذا الباب هو من جملة الأبواب التي تشرح معنى لا إله إلا الله كما سبق قول المؤلف رحمه الله لما ذكر تفسير لا إله إلا الله قال وشرح هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب يعني ومن جملتي ومن جملتها هذا الباب يعني في أن معنى لا إله إلا الله أن لا يذبح إلا لله سبحانه وتعالى وأن من ذبح لغير الله فقد أشرك فقوله باب ما جاء أو باب ما جاء يعني من الأدلة في الكتاب والسنة في حكم الذبح لغير الله وأنه شرك كما يتضح ذلك مما ساقه رحمه الله في هذا الباب وغيره وقضية الذبح قضية عظيمة ضل فيها كثير من بني آدم في الذبح لغير الله لأغراض مختلفة يزينها الشيطان يزينها الشيطان. Donc ici le cheikh il explique, yani il explique que ce chapitre fait partie des chapitres qui viennent expliquer et clarifier la signification de la ilaha illallah. Et comme on l'a vu déjà dans le chapitre qu'on avait lu justement à propos de l'explication du témoignage du tawhid de la ilaha illallah, dans le chapitre 6, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a expliqué que ceux qui suivaient dans le livre, c'est-à-dire tous les autres chapitres qui viennent après le chapitre 6, sont en réalité une continuation de ce chapitre. C'est-à-dire que tous les chapitres qui viennent après le chapitre 6 sont une explication du chapitre 6, c'est-à-dire l'explication de la signification du tawhid et de la parole de la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et le cheikh, il explique donc que ce chapitre, le chapitre 10, fait donc partie des chapitres qui clarifient la signification de la ilaha illallah et qui implique donc que rien ne doit être égorgé ou sacrifié pour autre que Allah. Hein, rien ne doit être égorgé ou sacrifié excepté pour Allah seul. Et que celui qui a égorgé pour autre que Allah, il a commis du shirk, il a associé avec Allah Azza wa Jalla dans l'adoration. Et lorsqu'il dit le chapitre au sujet de ce qui est venu, ou de ce qui a été rapporté, c'est-à-dire dans les preuves du Coran et dans les preuves de la Sunna, au sujet du sacrifice qu'on fait pour autre que Allah, c'est-à-dire au sujet du verdict, hein, du fait de sacrifier pour autre que Allah Azza wa Jal. Et il dit que ça veut dire que donc toute personne yani qui égorge pour autre que Allah, il commet un acte de shirk. Et ça c'est clair dans qu'est-ce qui est mentionné dans les preuves que le cheikh a cité lui-même dans ce chapitre-là, en commençant par les versets 162 et 163 dans Surat Al-An'am et dans les hadiths qu'il a mentionnés également, et le verset dans Surat Al-Kawthar aussi. Donc la question du fait de sacrifier ou d'égorger dans l'islam, c'est une question très grande, très importante, et malheureusement plusieurs d'entre les êtres humains ont dévié sur cette question-là par rapport au fait de sacrifier pour autre que Allah Azza wa Jal et pour toutes sortes d'autres raisons et d'autres intérêts divergents ou différents et que le shaitan a embelli au fils d'Adam. Donc tu retrouves ça dans la plupart des religions sur terre. Parmi les êtres humains, il y a le sacrifice et les offrandes qui font partie des adorations de ces religions-là, sauf que souvent ces offrandes et ces sacrifices sont détournés, hein, au lieu de les faire pour Allah, eh bien, ces sacrifices-là sont faits pour des idoles, ou des statues, ou des esprits, ou des djinns, hein, ou des êtres humains morts, comme par exemple ceux qui font le culte des ancêtres ou de leurs ancêtres, par exemple. Ils croient que, par exemple, pour les honorer, il faut leur offrir des sacrifices ou des choses de ce genre. Et même que dans certaines pratiques, dans certaines religions, hein, il y avait même des sacrifices humains qui étaient faits. Hein, Allah musta'an. Donc c'est pour dire comment certains ont été égarés par le shaitan, hein, à aller jusqu'à parfois même égorger leurs propres enfants. Et il y a des histoires très célèbres de ce genre de choses. Même, par exemple, des choses dans l'Antiquité chez les Grecs. L'histoire qui est racontée dans la guerre de Troie, hein, lorsque ils voulaient traverser la mer, puis que le vent était toujours allait toujours contre la direction, donc ils ne pouvaient pas traverser la mer pour aller faire la guerre. Et donc, ils ont fait une offrande ou un sacrifice, soi-disant, au dieu de la mer, ou des choses de ce genre, une autre de leur divinité, pour que le vent se calme, ou pour que la mer se calme, pour qu'ils puissent traverser. Et supposément, à ce moment-là, ils avaient fait justement le sacrifice de son enfant, hein, pour pouvoir traverser la mer. Donc tout ça, c'est des exemples des choses que les mouchriquins, les kuffars, ont fait dans leur religion pour apaiser leur divinité, soi-disant, hein, pour calmer leur colère ou des choses de ce genre. Et ils sont tombés donc dans des actes atroces à cause de ça. Et il y a un verset même dans le Coran qui fait allusion à ça aussi, par rapport au sacrifice de leurs enfants. Et comment le shaitan leur avait embelli le fait de tuer leurs enfants. Allah Azza wa Jal, il dit ça dans le verset 137 dans Surat Al-An'am. Il dit: وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيَرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. C'est ainsi que leurs divinités ont enjolivé à beaucoup de mouchriquins le meurtre de leurs enfants, afin de les ruiner et de travestir à leurs yeux leur religion. Or, si Allah voulait, il ne le ferait pas. Laisse-les donc, ainsi que ce qu'ils inventent. Et le verset 140 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit: قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. Ce qui signifie: ils sont certes perdants, ceux qui ont, par sottise, hein, et ignorance, tué leurs enfants, et ceux qui ont interdit ce que Allah leur a attribué comme subsistance, inventant des mensonges contre Allah. Ils se sont égarés et ne sont point guidés. Donc ça fait partie des exemples à ce sujet-là. Et le cheikh, il dit ensuite, donc, en parlant du premier verset dans Surat Al-An'am, les versets 162 et 163, dit: ô Muhammad, aux gens, ma salat, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. Il n'a aucun partenaire, hein, la sharika lahu, et c'est ce qui m'a été ordonné. Et je suis le premier, hein, des musulmans, le premier à me soumettre à Allah. Et le verset suivant, yani 164, et c'est ça que le cheikh il cite, il dit: وَهَذَا هُوَ الدَّلِيلُ الْأَوَّلُ أمر الله نبيه أن يقول للناس قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى فقوله تعالى قل إن صلاتي يعني جميع الصلوات الفرائض والنوافل لا تكون إلا لله ولا يجوز لعبد أن يصلي لغير الله فريضة أو نافلة ونسكي يعني النسك هو الذبيحة فكما أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي لغير الله فكذلك لا يجوز أن يذبح لغير الله يعني من الأصنام والأشجار والأحجار والقبور والأضرحة والجن والشياطين والملوك والرؤساء من باب التحية ولأجل قدومهم وغير ذلك كل هذا ذبح لغير الله وهو شرك الشرك الأكبر لأن الله قرنها بالصلاة ولا شك أن من صلى لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر وكذلك من ذبح لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة فالصلاة عبادة بدنية والذبح عبادة مالية وجميع العبادات المالية أو مالية كانت أو بدنية يجب إخلاصها لله عز وجل. Donc ici le cheikh il explique, cheikh Al-Fawzan, il dit ça c'est la première preuve que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avait mentionné à ce sujet-là. Et Allah Azza wa Jal dans ce verset, il ordonne à son prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de dire aux hommes, dis au Mohammed, ma salat et mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. Nul partenaire, il n'a nul partenaire, nul partenaire à lui. C'est cela qui m'a été commandé. Et je suis le premier des musulmans. Je suis le premier à me soumettre. Et la suite du verset, le verset 164, c'est-à-dire, est-ce que je vais chercher, c'est-à-dire, Allah Azza wa Jal, il dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit au Muhammad, vais-je chercher un autre Seigneur que Allah, alors que c'est lui le Seigneur de toutes choses? Il dit, chacun n'acquiert le mal qu'à son détriment. Personne ne portera le fardeau, la responsabilité d'autrui. Puis, vers votre Seigneur vous sera votre retour. Et il vous informera de ce en quoi vous divergez. Donc ça c'est très important de bien comprendre ces significations-là. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique que quand Allah Azza wa Jal il dit au Muhammad, certes ma salat, ça implique toutes les formes de salat que tu peux faire, qu'elles soient obligatoires ou recommandées. Elles ne doivent être que pour Allah Azza wa Jal et il n'est pas permis d'offrir des salawat, des prières à autre que à Allah, peu importe qu'elles soient obligatoires ou surérogatoires. Ou un nusuki. Un nusuk, c'est le sacrifice. Donc ça veut dire mon sacrifice. Et de la même manière qu'il n'est pas permis à l'être humain ou à une personne de faire un sacrifice, de faire la salat pour quelqu'un d'autre pour autre que Allah, donc tu ne peux pas prier à autre que Allah, de la même manière tu n'as pas le droit non plus de faire un sacrifice à autre que Allah, que ce soit des idoles Hein, que ce soit pour des idoles, ou pour des arbres, ou pour des pierres, ou pour des tombes, ou des tombeaux, ou des djinns, ou des diables, ou des rois, ou des dirigeants, ou peu importe. Hein, de faire ce genre de sacrifice-là, c'est interdit totalement, et c'est du shirk. Il dit, peu importe que ce soit dans le but de leur faire des salutations, ou parce qu'ils viennent, hein, tu veux les honorer de cette façon-là. Il dit, tout ça, c'est des sacrifices que tu fais pour autre que Allah, et c'est du shirk. Hein, parmi les formes de shirk majeures, il dit, parce que Allah Azza wa Jal l'a associé avec la salat. Il a associé le sacrifice à la salat. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de doute que si quelqu'un fait la salat pour autre que Allah, il aura commis une forme de shirk majeur, hein, qui fait sortir de la religion. Et bien la même chose aussi pour celui qui fait un sacrifice à autre que Allah Azza wa Jal, il a commis une forme de shirk majeur qui fait sortir également de la religion. Et donc la salat, c'est une forme d'adoration qui est physique, tandis que le sacrifice, c'est une forme d'adoration qui est reliée à l'argent et au bien. Et donc, dans toutes les formes d'adoration qui sont économiques ou qui sont reliées avec les biens ou bien avec le corps, c'est une obligation dans toutes ces adorations-là de faire preuve de pureté et de sincérité exclusivement pour Allah, et de d'adorer Allah seul par ces adorations-là. Et il dit ensuite l'explication dans le verset de la partie suivante, c'est-à-dire « وَمَحْيَايَا وَمَمَاتِ » Il dit « وَمَحْيَايَا أَيْ مَا أَحْيَا عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا وَيَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ فِي جَمِيعِ عُمُرِهِ من حين يبلغ من حين يبلغ سن التكليف إلى أن يحضره الأجل وهو موحد لله عز وجل ويقصد جميع أعماله لله عز وجل في جميع عمره ومماتي يعني ما أموت عليه فالإنسان يموت على التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل ويجب على المسلم أن يخلص لله في حياته وفي حال صحته وكذلك عند موته وفي حال حضوره الأجل ليختم له بالتوحيد وهذا فيه تنبيه على أهمية حسن الخاتمة والغالب أن من استقام على دين الله في عمره وحياته أنه يوفق لحسن الخاتمة ومن ضيع عمره في الشرك والمخالفات فحري به أن يصرف عن حسن الخاتمة وتسوء خاتمته إلا أن يتدارك الله عز وجل إلا أن يتداركه الله عز وجل فيمن عليه بالتوبة قبل الموت. Donc on va expliquer cette partie. Le cheikh il explique que Allah Azza wa Jal, il dit donc dans ce verset وَمَحْيَايَا. Al-mahya, hein, mahya, ça veut dire la vie. Donc ma vie. وَمَمَاتِ. Al-mamat, c'est la mort. Et donc, le cheikh, il explique que ça signifie cela quand il dit مَحْيَايَا. C'est-à-dire ce sur quoi je vis dans ce bas monde. Et donc, il est obligatoire pour l'être humain dans tout ce qu'il fait durant sa vie, depuis qu'il atteint l'âge de raison et qu'il est responsable de ses actes jusqu'à ce que la mort lui arrive, c'est obligatoire pour lui et c'est important pour lui d'être un mouahid qui a unifié Allah Azza wa Jal dans sa croyance et dans ses actions, et de faire en sorte que toutes ses œuvres soient pour Allah seul, hein, pendant toute sa vie. Et quand il dit wa ma mati, c'est-à-dire ainsi que ma mort, eh bien, il doit faire en sorte de mourir sur la foi, hein, et sur la religion. Donc l'être humain, il doit mourir sur le tawhid et sur la sincérité pour Allah seul dans l'adoration. Donc il doit purifier son adoration pour Allah seul, hein, jusqu'à sa mort. Et c'est obligatoire également pour le musulman donc de purifier toute son adoration pendant sa vie et pendant les moments de santé, quand il est en bonne forme ou en bonne santé. De même qu'au moment de la mort, lorsque la mort lui arrive, hein, lorsque la mort vient à lui, il doit faire en sorte de garder la foi et de rester sur le tawhid pour pouvoir conclure sa vie sur le tawhid. Et ça, c'est une indication aussi en même temps à propos de l'importance d'avoir une bonne fin, une bonne conclusion. Il dit parce que la majorité des gens en général, s'ils sont sur la droiture pendant leur vie et qu'ils suivent la religion d'Allah pendant leur vie, eh bien Allah Azza wa Jal va, hein, en général leur donner la bonne conclusion et la bonne fin. Tandis que ceux qui ont gaspillé leur vie à faire du shirk et à contredire la religion, eh bien, ces gens-là, ils risquent, hein, d'être détournés de la bonne conclusion et de la bonne fin de leur vie et d'avoir une mauvaise fin. Excepté si Allah Azza wa Jal leur offre de sa miséricorde en faisant en sorte qu'ils se repentent avant leur mort. Alors là, s'ils se repentent avant leur mort, eh bien là, c'est bien entendu une miséricorde immense puisqu'ils ont l'opportunité de mourir sur la droiture et sur la foi et de se repentir de tous leurs péchés avant la mort. Et le cheikh, il dit ensuite walillahi, hein? Ah non, il explique la suite du verset. Il dit lillahi rabbil alamin, c'est-à-dire wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin al-jar wal majrur lillahi khabar wa in wa ismu in yani salati wa nusuki lillahi yani alladhi huwa al-ilah al-ma'bud rabbul alamin الذي هو مالك كل شيء فلا يجوز للعبد أن يشرك بالله الذي هو ربه وخالقه ورازقه ومدبر أمره أو مدبر أموره ثم أكد ذلك بقوله لا شريك له الشرك في الصلاة والشرك في الذبح وغيرها من العبادات لا شريك له يعني لا نافية للجنس يعني شريك لا شريك له وهذا يعني عام هذا عام يعني لا شريك له هذا عام فلا يصلح أن يشرك معه أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء ولا صالح من الصالحين لأن كلمة لا شريك تنفي جميع الشركاء جميع الشركاء قال وبذلك أمرت يعني أمره الله عز وجل لأن الذي يأمر وينهى ويشرع هو الله والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله وهو أول من يمتثل أمر الله لأنه عبد فهو أول من يمتثل أمر ربه سبحانه وتعالى وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين المنقادين لأمر الله المستسلمين له بالتوحيد والطاعة لأنه صلى الله عليه وسلم هو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Donc ici le cheikh il explique, donc on va traduire ce passage, la suite du verset. Donc ma vie et ma mort appartiennent à Allah le Seigneur des mondes. Donc ici lillahi, ça c'est al-jar wal majrour. Hein? Lillahi rabbil alamin. Donc il dit que le jar et le majrour c'est le khabar de in. Inna salati. Donc le khabar de in c'est lillahi. Et le ism de in c'est salati wa nusuki. Et il dit que lillahi c'est yani al-ilah al-ma'bud, c'est-à-dire la divinité de vérité qui est la seule qui mérite d'être adorée. Parce que al-ilah ça veut dire al-ma'bud, ce qui est adoré. Et rabbul alamin yani c'est le Seigneur des mondes, celui qui possède et qui est maître de toutes choses, et il n'est pas permis aux serviteurs d'associer quoi que ce soit avec le Seigneur des mondes, parce que c'est lui le seul maître, le seul créateur, le seul yani pourvoyeur de subsistance, et c'est lui seul qui détient, qui contrôle tout ce qui se passe et ce qui arrive dans la création. Et ensuite, il a confirmé cela en disant « La sharika lahu » c'est-à-dire qu'il n'a aucun sharik, aucun partenaire. Il n'a pas d'associé, il n'a pas de partenaire dans la création et dans l'adoration également. Donc le shirk, il peut être dans la salat, si quelqu'un fait la salat pour autre que Allah, donc ça c'est du shirk. Ça peut aussi être dans le sacrifice, lorsque quelqu'un fait un sacrifice pour autre que Allah, hein, ou n'importe quel autre parmi les adorations, l'amour, l'espoir, yani la confiance, yani le fait de mettre la confiance en Allah, ça c'est une ibada. Si tu mets ta confiance en autre que Allah, ça devient du shirk. La crainte, si tu crains autre que Allah, seul Allah mérite d'être craint, ça aussi ça devient du shirk. Si tu aimes quelqu'un plus que Allah ou avec Allah, ça devient du shirk aussi. Donc toutes les adorations, que ce soit des adorations du cœur ou des adorations du corps ou des adorations économiques que tu fais avec ton argent ou des adorations que tu fais avec ta langue comme le dhikr ou les du'as, toutes ces formes d'adoration différentes là, si elles sont offertes à autre que à Allah, ça devient du shirk. Et tu ne peux pas offrir tes adorations à autre que Allah, parce que de toute façon, Allah Azza wa Jal, il n'a pas de partenaire dans quoi que ce soit. Il n'a pas de partenaire dans sa création. Il n'a pas de partenaire dans ses noms parfaits et dans ses attributs élevés. Et donc, avec qui tu vas l'associer? Avec qui tu vas offrir? À qui tu vas offrir des adorations, hein? Personne ne mérite ces adorations-là, excepté lui. Parce qu'il est le seul à les mériter. C'est lui le seul qui est le parfait, le tout-puissant. Donc ça nous fait comprendre donc la réalité de cette parole, du tawhid. Et donc le cheikh, il explique que quand on dit « la sharika lahu », la sharik, on dit que c'est la, c'est une négation ici, mais c'est une négation qui est une négation de quelque chose qui est général. C'est pour ça qu'on dit que le la ici, c'est un la qu'on appelle dans la grammaire la an-nafiyatu lil-jins, c'est-à-dire le la qui nie une catégorie. Et donc, quand tu dis par exemple la sharika lahu, ou bien la ilaha illallah, donc c'est pas une divinité en particulier qui est niée, ou c'est pas un partenaire ou un associé en particulier qui est nié ici, mais tous les associés sans exception et toutes les divinités sans exception, elles sont niées, illallah, excepté Allah Azza wa Jal. Et ici, la sharika lahu, c'est-à-dire Allah n'a pas d'associé, il n'a pas de partenaire. Peu importe qu'est-ce que cet associé ou ce partenaire pourrait être. Hein? Et donc le cheikh, il explique et il dit que cette négation-là, elle est générale et donc personne n'a le droit d'être associé avec Allah, peu importe qui il est et peu importe qu'est-ce que c'est. Hein? Que ce soit même si c'est les anges les plus rapprochés d'Allah, tu n'as pas le droit de les prendre comme associés avec Allah ou comme partenaires dans l'adoration d'Allah. Donc la même chose aussi pour les prophètes. Les prophètes envoyés par Allah et les messagers, ils ne peuvent pas être des partenaires avec Allah dans l'adoration. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de leur vouer des prières ou des adorations ou de leur demander quoi que ce soit, hein, en dehors d'Allah. Et bien entendu, surtout après leur mort. Hein, si on était vivant à leur époque et qu'on leur demande quelque chose, ça c'est une chose. Hein, parce qu'ils étaient vivants à ce moment-là, ils pouvaient nous aider ou nous faire quelque chose pour nous si c'était dans le domaine de qu'est-ce que qu'est-ce qui ne fait pas partie du domaine de ce que seul Allah est capable de faire. Dans ce cas-là, oui, tu peux le demander au messager. Mais si c'est après sa mort, une fois qu'il est déjà mort et enterré, là, tu ne peux plus lui demander quoi que ce soit. Parce qu'il ne peut rien faire pour toi de toute façon. Et en ce qui concerne les anges, eh bien, les anges sont parmi les êtres qui sont invisibles, qui font partie du raïb. Et donc, on n'a pas le droit de leur demander quoi que ce soit. Et la même chose aussi pour les djinns. On n'a pas le droit de leur demander quoi que ce soit. Et en ce qui concerne les anges en particulier, puisque les anges, c'est des êtres créés par Allah qui sont à l'ordre et au commandement d'Allah, qui ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Et en ce qui concerne les djinns, eh bien les djinns, ils sont du monde du raïb aussi. Et donc on n'a pas le droit de leur demander quoi que ce soit, puisqu'on ne les voit pas. Hein? Et c'est seulement Allah Azza wa Jal qu'on a le droit, hein, d'invoquer, d'implorer, de demander. Hein? Et Allah nous ordonne de l'invoquer. Il nous ordonne de lui demander. Et il aime qu'on lui demande. Et il aime, hein, répondre à nos invocations. Donc comme on dit ici, le cheikh il explique, il dit, personne donc ne mérite d'être adoré avec Allah, même si c'est un ange rapproché, même si c'est un messager envoyé, même si c'est un saint parmi les hommes les plus pieux. Hein, ça veut dire que si c'est le cas, hein, qu'un ange rapproché ou qu'un prophète envoyé ne peut pas être adoré en dehors d'Allah, ou avec Allah, ne peut pas être un associé avec Allah dans l'adoration, hein, ni un homme pieux, ni un saint, alors dans ce cas-là, ça veut dire que personne ne mérite l'adoration. Hein? Peu importe qui il est, même s'il est un homme pieux, ou un saint, ou un prophète, ou un messager. Parce que qu'est-ce qu'on constate souvent, c'est que les gens, ils prient à des morts ou à des tombes, à des prophètes et à des messagers, ils adorent ces personnes-là en dehors d'Allah, comme les chrétiens, hein, comme les juifs aussi le font, et aussi tu vois certains musulmans qui font ce genre de choses. Ils vont à la tombe d'un prophète, ou à la tombe d'un cheikh, ou la tombe d'un wali, ou d'un sayyid, ils vont demander à cet être-là ou à cette créature-là de les aider. Hein? Et en faisant ça, ils donnent un sharik à Allah. En adorant ces personnes-là, en les invoquant, en leur faisant des doigts ou en leur demandant des choses, ils font du shirk avec Allah. Hein? Et ils donnent à Allah un partenaire dans l'adoration. Ça, c'est grave. C'est le plus grave péché. Et c'est pour ça que si... Même Jibril, on n'a pas le droit de l'invoquer. Même Mohammed, on n'a pas le droit de l'invoquer. Alors, dans ce cas-là, on n'a pas le droit d'invoquer personne d'autre. Puisque c'est eux les meilleurs parmi les anges et parmi les êtres humains. Donc, si eux, ils sont les meilleurs et qu'on n'a pas le droit de les adorer, alors tous ceux qui sont en dessous d'eux, eh bien, ils méritent encore moins d'être adorés. C'est ça que le cheikh veut établir ici, comme point. Et ensuite, il dit... que en ce qui concerne ce point-là, la négation de tous les associés, les partenaires, c'est ça que Allah Azzawajal nous a ordonné. Et il dit dans le verset, dit au Muhammad, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. Il n'a aucun partenaire. Et il n'a pas, il n'a aucun partenaire. Et c'est cela qui m'a été ordonné. Et le cheikh, il dit, c'est-à-dire que celui qui ordonne et qui interdit, c'est Allah seul. Et le messager, lui, il ne fait que transmettre le message d'Allah Azzawajal. D'accord? Donc c'est lui le premier à mettre en pratique ce que Allah Azzawajal lui ordonne de faire. Parce que c'est lui le modèle à suivre, c'est lui notre modèle. Et c'est lui le premier à se soumettre à Allah en appliquant le tawhid et en lui offrant son obéissance. Parce que c'est lui l'exemple pour nous. Comme Allah Azzawajal il dit dans le verset 21 dans Sourate Al-Ahzab, il dit ce qui signifie. Il y a certes pour vous, en le messager d'Allah, la meilleure exemple à suivre. Un meilleur exemple à suivre. Et il dit le cheikh que, il dit ensuite, « وَهَذَا فِيهِ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا غَيْرَهُ لَمْ يَبْلُغْ مَرْتَبَةَ الرُّبُوبِيَّةِ أَوْ مَرْتَبَةَ الْأُلُوهِيَّةِ وَلَا غَيْرُهُ لم يبلغ مرتبة الربوبية ولا مرتبة الألوهية بل هو عبد من عباد الله وهو أكرم عباد الله فلا يتخذ إلها مع الله ولا ربا مع الله عز وجل وقوله وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة ليس هو أول المسلمين من الخليقة لأنه سبقه مسلمون من الرسل وأتباعهم ولكن أول المسلمين من هذه الأمة المحمدية فهذه الآية شاهدها للترجمة أن الله عز وجل أمر أن لا يذبح إلا له سبحانه ودلت الآية الثانية لا شريك له على أن الذبح لغير الله شرك وينزه الله عز وجل عنه ودلت أيضا على أنه لا يستثنى أحد من الخلق مهما بلغت مرتبته فإنه لا يصل إلى مرتبة الألوهية والربوبية ولا يستحق شيئا من العبادة لأن العبادة حق لله عز وجل كما دلت الآية أيضا على أن العبادات مبناها على التوقيف وبذلك أمرت العبادات لا تكون إلا بدليل من الكتاب والسنة لا تكون العبادات باستحسان الإنسان أو التقليد أو غير ذلك فهذا يكون من البدع وعمل يعني كما في الحديث يعني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Donc on va terminer ici avec cette explication là. Le cheikh il dit que les messagers si ça c'est vrai par rapport au messager, qu'il doit être l'exemple pour nous et que on n'a pas le droit de l'adorer ou de l'invoquer, et le cheikh c'est ce qu'il explique. Il dit c'est seulement Allah Azzawajal qu'on doit adorer et on doit suivre l'exemple du messager dans ça et de se soumettre à Allah Azzawajal en établissant le tawhid. Il dit que certes le messager d'Allah n'a pas atteint le degré de la seigneurie, ni le degré de l'adoration. Et personne d'autre également parmi les créatures ne peut prétendre avoir atteint ce degré-là. Il n'est qu'un esclave parmi les esclaves d'Allah. Et il est le plus noble des serviteurs d'Allah. Mais on n'a pas le droit de le prendre comme une divinité avec Allah, ni comme un seigneur avec Allah. Et quand on dit dans le verset « Et je suis le premier des musulmans », ici, le cheikh, il dit, c'est-à-dire parmi cette umma, parmi la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était lui le premier à se soumettre et à être un musulman, et non pas le premier de la création, parce qu'il a été précédé par d'autres messagers avant lui, ainsi que leurs fidèles qui, eux, ont été musulmans avant nous. Mais dans cette umma, la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le premier à se soumettre, c'était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce verset, il y a donc un point qui témoigne de ce que le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a voulu établir par rapport à ce chapitre, c'est-à-dire que on ne doit pas faire de sacrifice excepté pour Allah. Et le deuxième verset, la sharika lahu, hein, ou bien dans le deuxième verset, quand Allah dit il n'a pas de partenaire, eh bien ça implique que le fait de sacrifier pour autre que Allah, c'est du shirk. Et Allah se purifie de toute forme d'adoration qui pourrait être attribuée à autre que lui. Hein, et toute forme de shirk qui pourrait être faite. Hein, tout partenaire qui pourrait lui être attribué dans l'adoration. Donc Allah Azza wa Jal, il se purifie de ça. Et c'est la preuve que personne d'entre les créatures n'est exclu. Exclu dans le fait que il ne peut pas atteindre le degré de mériter l'adoration ou de mériter quoi que ce soit dans la seigneurie dans le royaume d'Allah, puisque toutes les créatures sont des créatures et des esclaves d'Allah, et aucune d'entre elles ne mérite quoi que ce soit de l'adoration ou de la divinité. Et il est clair que également personne ne mérite quoi que ce soit de l'adoration, car l'adoration est un droit exclusif d'Allah. Et tout ça s'est établi par ces versets-là et d'autres également qui établissent et qui mettent comme principe fondamental dans la religion que on n'a pas le droit d'inventer quoi que ce soit dans la religion, en particulier dans les adorations et dans la croyance. On n'a pas le droit d'inventer quoi que ce soit, et que tout doit être basé strictement sur les preuves du Coran et de la Sunna à ce sujet-là. Et donc quand on dit « et c'est cela qui m'a été ordonné », c'est-à-dire parmi les adorations. Et les adorations ne peuvent être établies que par des preuves authentiques, soit le Coran ou dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique. Et les adorations ne peuvent pas être établies par des approbations basées sur nos raisonnements ou sur nos goûts ou sur les traditions ou le suivi aveugle des gens. Et donc ça, c'est en même temps une preuve de l'interdiction des innovations dans la religion. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, quiconque fait une action qui n'est pas sur notre religion, hein, qui n'est pas de notre religion, alors elle sera rejetée. Cette action-là sera rejetée, peu importe qui l'a fait. Tant que ça ne vient pas des preuves du Coran et de la Sunna. Donc ça ne sera pas accepté, même si la personne qui le fait est une personne qui est suivie par des gens ou aimée par des gens. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera la suite, Inch'Allah, au prochain cours. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.